commissaire que l'on croyait ses vrais rues, mais qui ne l'était pas. Il aimait une perruque, il en voulait même de lui ne voulait pas. Je ne le dirai pas.